cloche la ding ding ding dong. Pour ça la game en bas sans l'étonner. Pour faire bas ou discope, moi pour ça montrer. L'homme découvre tes boîtes, la power en lien. Mon baba m'a envoyé un yen.